Au chapitre 6. Gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public, pour que tout le monde vous remarque. Si vous les accomplissez ainsi, vous ne recevrez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu donnes de l'argent aux pauvres, n'attire pas bruyamment l'attention sur toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Ils agissent ainsi pour recevoir les éloges des hommes. Je vous le déclare, en vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu donnes de l'argent aux pauvres, fais-le de telle façon que même ton plus proche ami n'en sache rien, afin que ce don reste secret. Et Dieu, ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, en vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Quand vous priez, ne prononcez pas un grand nombre de paroles comme font les païens. Ils s'imaginent que Dieu les écoutera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car lui, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que la sainteté de ton nom soit reconnue, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui la nourriture nécessaire. Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. Amen. En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres le mal qu'ils ont commis, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme font les hypocrites. Ils changent de visage pour que tout le monde voie qu'ils jeûnent. Je vous le déclare, en vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage et peigne tes cheveux, afin que les gens ne se rendent pas compte que tu jeûnes. Seul ton Père qui est là dans le secret le saura. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde, où les vers et la rouille détruisent, où les voleurs forcent les serrures et dérobent. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne peuvent détruire, où les voleurs ne peuvent pas forcer de serrures ni dérober. Car là où sont tes richesses, là aussi est ton cœur. Les yeux sont comme la lampe du corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si tes yeux sont mauvais, tout ton corps est dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi n'est qu'obscurité, comme cette obscurité sera noire. Personne ne peut servir deux maîtres. Il haïra l'un et aimera l'autre. Il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture, et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans des greniers. Mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux que l'une de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe qui se trouve aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée pour être brûlée au four. Ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même? Comme votre foi est petite. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Avec quoi nous habillerons-nous? » Ce sont les païens qui cherchent continuellement tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, il vous apportera ses propres soucis. La peine qui se présente chaque jour suffit pour la journée.